Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Nous allons parler impôt. L'impôt est ancien, mais depuis quand est-il associé à l'idée de fraternité ? Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. L'impôt peut-il nous sauver des inégalités ? En 1933, George Milton chante « As-tu déclaré tes revenus ?» Bien des gens, paraît-il, ne payent pas leur impôt et traitent ceux qui les paient de poires et de ballots. Moi, je n'approuve pas ça et je dis que c'est pas permis. Et constamment, je demande aux parents, aux amis, as-tu déclaré ton salaire? As-tu déclaré tes revenus, tes dollars-bains, ta cuisinière et ta villa, Donolulu, ton cheval et ta bicyclette, ton trotteur et ta trottinette? Oui, mais pour déclarer ses revenus, encore faut-il en avoir. Nicolas Delalande, bonjour. Bonjour. Dans cette réflexion sur l'impôt, nous avons nos repères contemporains. L'impôt est là pour être redistribué et pour aider. Est-ce une évidence dans l'histoire que l'impôt puisse être là pour la fraternité, pour aider les uns les autres ? Je dirais que ce n'est ni une évidence dans l'histoire, ni aujourd'hui, parce que ce « nous » que vous avez employé n'est pas partagé par tous. Hein, et c'est encore un travail de conviction, un objet de débat. C'est un sujet qui divise énormément au sein de la société. Donc, tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée que l'impôt soit un instrument de réduction des inégalités ou de redistribution. Et puis par le passé, effectivement, c'est une idée relativement récente, parce qu'en réalité, jusque à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, l'impôt est essentiellement ce qui permet de financer l'État. L'État n'est pas directement impliqué dans la réduction des inégalités ou de la pauvreté. Donc c'est une idée moderne qui apparaît au 19e siècle et qui s'est concrétisée au cours du 20e siècle. Eh bien, direction en Espagne au 17e siècle. Monseigneur le Grand. Buenas tardes, amigos. Les impôts sont là, monsieur le ministre. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices... Pour cette année, ça fait combien ? 200 000 lucas, monseigneur. Mais l'année dernière, ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Mais Don Salluste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Don Salluste, Louis de Funès dans La folie des grandeurs, le film de Gérard Oury en 1971, Nicolas Delalande. Nous nous trouvons là, alors dans une critique, mais qui est formidable, parce qu'elle fait écho à une réflexion. Si nous nous posons la question, l'impôt peut-il nous sauver des inégalités ? Il faut déjà réfléchir sur l'inégalité. L'inégalité peut être acceptée, elle peut être considérée comme naturelle. Oui, mais elle est toujours acceptée dans un certain sens, puisque les inégalités restent fortes, si on les mesure en termes économiques, en termes sociaux. La question dont on débat historiquement dans chaque société, c'est le niveau d'inégalité tolérable, acceptable, moralement soutenable. Et ces niveaux, ces sensibilités ont évolué au cours du temps. On peut devenir plus insensible aux inégalités, considérer qu'elles doivent être réduites, qu'il faut lutter contre elles. Et puis à d'autres moments, il n'y a pas d'histoire linéaire, hein, évolutive. On peut observer des moments de plus grande tolérance au creusement des inégalités. Et évidemment, ça renvoie aussi en fait, aux forces qui les creusent. Sous l'Ancien Régime, les inégalités sont fondées sur la naissance. Ce sont des privilèges de naissance et donc c'est inscrit dans une vision de la société fondée sur des corps, sur des privilèges associés à l'origine familiale des individus. C'est une idée qui, bien sûr, va être rendue caduque au cours du 19e et du 20e siècle. On va davantage réfléchir aux questions de mérite, aux questions d'aléas, aux questions de chance et aussi aux questions de solidarité. Et je dirais que ces différents arguments, ces différents éléments sont mêlés, contrebalancés et qu'on n'en est pas du tout sorti puisqu'on est toujours en train de discuter de ces inégalités et de leur acceptabilité sociale ou inacceptabilité. Et justement, sous l'Ancien Régime, il y a malgré tout une réflexion, non pas pour réduire les inégalités, mais pour éviter qu'il y ait des plus pauvres qui souffrent. Mais dans ce cas-là, l'impôt n'a pas grand-chose à voir dans l'histoire, il est plutôt question de charité. Oui, jusqu'au 19e siècle et surtout au 20e siècle, comme je l'ai déjà mentionné, l'impôt n'est pas directement un instrument de politique sociale. En fait, c'est, comme l'extrait le montrait, davantage associé à la volonté des monarchies, des gouvernements, souvent arbitraires, qui s'appuient peu sur la consultation des populations, notamment de payer leurs armées. Le principe, hein, la naissance de l'impôt, c'est quand même destiné à financer la guerre. Et on a, en certaine façon, on n'est jamais complètement sorti, hein, de ce lien historique qui existait à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on a aucun souci, aucune attention aux plus pauvres ou aux plus démunis. Et c'est vrai que si on regarde une vue assez longue, hein, qui partirait du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, jusqu'au même au début du 20e siècle, la réponse qui a souvent été apportée par les élites, qu'elles soient aristocratiques anciennement ou bourgeoises au cours du 19e siècle, c'est celle qui est fondée sur la libre initiative. Ce qu'on a appelé la charité, mue par des principes religieux, dans les diverses religions d'ailleurs, qu'on va appeler ensuite la philanthropie, dans une version un peu plus laïcisée ou sécularisée, un amour de l'humanité, qui a pour point principal d'être fondée sur une absence d'obligation. Ce qui différencie très nettement l'impôt d'autres formes de circulation ou de redistribution des richesses, c'est le principe d'obligation qui est sanctionné par l'État, par des pouvoirs publics, auxquels sont associés aussi des pouvoirs de coercition. Alors que la philanthropie est vue comme un mouvement plus, est présentée à cette époque-là comme un mouvement plus généreux, plus spontané, mais qui en même temps est complètement dépendant du bon vouloir de ceux qui vont s'y prêter. Donc ce devoir dit moral des riches, il est très aléatoire et surtout il ne permet pas en réalité d'améliorer la situation du plus grand nombre. C'est pour ça que ce modèle va en partie s'épuiser, être fortement critiqué à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nicolas Delalande, vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous cherchez, vous travaillez sur l'histoire de l'État, les inégalités, la solidarité. Vous êtes l'auteur de La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières, ou encore des batailles de l'impôt, consentement et résistance de 1789 à nos jours. Deux ouvrages publiés au Seuil. Dans cette réflexion sur l'impôt, il y a ce moment révolutionnaire qui nous intéresse. Le moment 1789, où là, tout est remis sur la table. Qu'est-ce que l'impôt? Comment peut être considéré l'impôt dans cette période révolutionnaire? Il y a deux critiques et deux objets qui vont être fortement débattus à la fin du XVIIIe siècle. D'abord, il y a l'injustice de l'impôt. Je n'y reviens pas. On en partie parlé, on pourra venir plus en détail. Puis surtout, il y a le fait que l'impôt n'est pas consenti. Et là, ça fait écho à des débats contemporains. Cette notion de consentement de la population à des obligations, c'est une des grandes questions politiques. On peut en débattre en termes de consentement à l'impôt, de consentement à l'obligation militaire, qui a longtemps été une des grandes obligations qui pesait sur les citoyens. Et puis aujourd'hui, on en débat en termes de consentement à des interdictions, obligations mises en termes de santé publique dans un cadre pandémique. Et cette notion de consentement, c'est une des grandes notions qui est discutée à la fin du XVIIIe siècle, parce que elle interroge les fondements de l'autorité. Pourquoi peut-on accepter collectivement de se plier à des règles qui effectivement empiètent sur notre liberté? Et l'impôt, c'est très clairement un empiètement sur une forme de liberté. La position purement libertarienne considère que j'ai gagné mon argent, j'en fais ce que je veux, au revoir, la société n'a rien à me demander. Or, à la fin du XVIIIe siècle, et puis tout au long du XIXe et du XXe siècle, jusqu'à nos jours, on essaye de débattre justement des fondements qui permettent de comprendre l'existence de cette obligation collective. Il faut à la fois donc qu'elle soit consentie, ça suppose un parlement, de la délibération, des élections, qu'on ait l'impression que les pouvoirs nous représentent et nous écoutent. Et puis ça suppose aussi une efficacité, en fait, dans l'usage de l'argent qui est collectivisé. Et donc si on soupçonne l'État d'une vouloir uniquement financer ou redistribuer vers ses amis, vers ses proches, vers des oligarques, vers des riches, évidemment, on va être très réticent à payer. Mais si on considère qu'il y a un lien à la notion de bien commun ou d'intérêt général, et c'est ce que essayaient de mettre en avant les révolutionnaires dans les années 1790, à ce moment-là, un début de légitimité peut commencer à se construire. Je dirais que l'impôt, comme d'autres obligations collectives, pose ces questions de rapport à l'autorité, de partage et de réflexion sur les conditions auxquelles on souscrit à un objectif de bien commun. Et à côté de cette question du consentement, il y a celle de l'injustice. En quoi l'impôt peut-il être considéré comme injuste? Alors avant 1789 en France, c'est vrai aussi dans d'autres pays, l'impôt est fondé sur l'existence de privilèges d'exemption. On le sait, hein, tout le monde, tout jeune qui est passé par le système scolaire ou qui a regardé des films à la télévision, maintenant sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes ou autres, sait qu'il y a au XVIIe, au XVIIIe siècle, des ordres qui sont exemptés de l'impôt, notamment les nobles et le clergé. Donc la première des injustices, c'est celle-ci, c'est que l'impôt n'est pas universel. Nous, on s'est habitué à considérer, évidemment, la règle est la même pour tous. Alors ensuite, il y a des contournements de la règle, il y a des dispositions qui peuvent favoriser tel ou tel autre, mais la règle s'imposer à tous. Et donc la première condition de la justice de l'impôt, c'est que la règle soit la même pour tous et qu'il y ait un principe d'universalité. Et ensuite, il y a une question de savoir comment l'impôt est conçu, sur quoi il pèse. Est-ce que vous allez taxer davantage la consommation aujourd'hui, la consommation d'essence pour les déplacements, ou si vous allez davantage taxer les propriétés, les revenus du travail, les revenus placés en bourse ou autre. Et donc ça, c'est une question de technique, bien sûr, de prélèvement, mais qui pose à chaque fois des grandes questions de justice, parce que en réalité, on est en permanence en train de comparer la légitimité ou l'illégitimité de sources de revenus et de patrimoine. Et donc je dirais que l'impôt, à travers l'impôt, en fait, on est en permanence en train de discuter de la manière dont on produit des richesses, dont on prive certains des richesses, et de réfléchir à la manière justement de les partager plus équitablement et de les faire circuler. Avec cette question de l'égalité, égalité et impôt, égalité et richesse, égalité et politique, Nicolas Delalande, en fait, l'égalité politique ne signifie pas l'égalité face à l'impôt. C'est aussi une réflexion qui se pose. En tout cas, les deux vont de pair. Comment se construit ce discours ? Alors, l'égalité politique suppose qu'effectivement on construise les conditions du consentement. C'est-à-dire qu'effectivement il y a cette idée que à partir du moment où ça suppose notamment un accès au droit de vote. Ça s'est fait dans tous les pays de manière assez graduelle. On dirait que l'élargissement du droit de vote à tous les hommes et toutes les femmes d'un pays, c'est plutôt une histoire du XXe siècle. Et ça a quand même des implications en termes de redistribution. Ça veut dire que davantage de membres de la société sont impliqués dans cette délibération commune sur l'impôt, les prestations sociales, sur les politiques éducatives, de soins ou autres. Donc c'est une des conditions de la démocratisation. Mais ensuite, ça n'a pas effectivement de lien immédiat ou évident avec la notion même d'égalité sociale. On peut être égaux politiquement sans désirer collectivement davantage de redistribution. Et donc les deux notions sont effectivement en partie dissociées. Déjà que la démocratie, c'est toujours un travail sur la tension entre la recherche, la quête de l'égalité politique et les notions d'égalité économique et sociale. Et il y a des époques historiques dans lesquelles on a pu très bien dissocier les deux. On peut être égaux politiquement tout en choisissant collectivement de ne pas être favorable à davantage d'égalité sociale. Mais cette idée, elle était présente dès le XVIIIe siècle, avec cette idée justement d'essayer de faire se rapprocher le plus possible les notions d'égalité politique, d'égalité économique et sociale, et puis aussi de reconnaissance, de dignité. C'est quand même les grandes idées qui fondent le projet démocratique depuis la fin du XVIIIe siècle. Et après la Révolution, au XIXe siècle, il y a la démocratie, il y a le suffrage, parfois universel, parfois censitaire, toujours masculin. Et dès lors, l'impôt présent amuse et on le chante. En avant, payons, comptons, déboursons, remboursons, dotons, apanageons, donnons jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier centime. Ouvre-toi, bourse, plébéienne, le pauvre même en son amour de son obole citoyenne doit faire une offrande à la cour. Peuple à jamais digne d'estime, payé, voilà ton vrai régime. En avant, payons, comptons, déboursons, remboursons, dotons, apanageons, donnons jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier centime. La Parisienne de 1837 est la parodie d'une chanson à succès de Casimir de la Vigne. Donc une parodie qui se moque, le peuple paye. Nous sommes sous la monarchie de Juillet, nous sommes en 1837. Le débat sur l'impôt oppose plusieurs mouvements, plusieurs courants de réflexion. Nicolas Delalande, quels sont les grandes tendances politiques autour de cette question, l'impôt peut-il réduire les inégalités ? Alors, dans les années 1830, on est dans un moment historique et politique très particulier. Parce que ce qui fonde la revendication à exercer des charges politiques, c'est le fait de payer des impôts qu'on appelle des impôts directs. En fait, ceux qui bénéficient du droit de vote dans un régime censitaire, ce sont ceux qui payent un niveau d'impôt suffisant pour être estimés dignes de confiance, d'avoir bien géré leurs revenus, leurs propriétés. Et ces impôts directs, c'est des impôts qui pèsent sur les propriétés. Est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement, de votre maison, ou est-ce que vous avez un commerce, par exemple? Et donc les hommes, puisque ce ne sont que des hommes qui sont notamment électeurs et élus en France sous la monarchie de Juillet et avant sous la Restauration, sont les plus fortunés. Et en fait, on va établir ce niveau de fortune à travers l'impôt. Et donc la forme de l'inclusion politique, elle est liée là à une reconnaissance du paiement de l'impôt, ce qui est une logique complètement différente de celle qui existait avant 1789, puisque les ordres privilégiés étaient ceux qui précisément n'étaient pas soumis à l'impôt direct. Mais ces impôts directs, donc, qui permettent de reconnaître des droits politiques à une infime minorité, hein, sous la monarchie de Juillet, ça va être 250 000 personnes sur une population d'environ 30 millions d'habitants, donc c'est quand même extrêmement faible. Mais par ailleurs, évidemment, l'ensemble de la société, les paysans, les classes ouvrières naissantes, des classes moyennes également, payent d'autres impôts qui n'ouvrent pas des droits politiques. Et donc c'est notamment, et ça c'est une des constantes hein, jusqu'au début du XXe siècle, c'est les droits sur la consommation, les droits sur le sel, les droits sur les boissons, les droits sur le tabac. Et donc tous les actes de consommation sont taxés. Donc il y a une grande injustice parce que le poids de l'impôt n'est pas du tout le même. Les impôts directs, en fait, sont très stables, évoluent peu. Si vous avez des propriétés, vous voyez à peu près, et ça va prendre une partie très très limitée de votre patrimoine ou de vos revenus. Tandis que de l'autre côté, les impôts sur la consommation, que la Révolution française avait voulu supprimer, hein, comme si on disait aujourd'hui supprimons la TVA, eh bien, ils avaient dû être rétablis assez vite parce que ça posait de vrais problèmes pour le financement de l'État. Donc il y a une inégalité économique devant l'impôt et une inégalité politique parce que ceux qui payent ce montant limité d'impôt direct, en fait, sont ceux qui vont tenir les rênes du débat politique jusqu'en 1848, la Seconde République et l'instauration du suffrage universel masculin. Ah bah youpi, voilà, la Seconde République est proclamée. Mais attendez Nicolas de Lalande, ça râle encore. Salut. Salut. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait le malard? Il était pas fier. Il a chassé Lucien. Tout ça, c'est parce qu'en 48, il y en a qui n'ont pas soutenu la République. On avait chassé Louis-Philippe. On avait rétabli le suffrage universel. Mais on en avait besoin de cet impôt de 45 centimes pour aider la République. Mon père disait que République ou pas, c'était un impôt de plus. Mon père aussi dit ça. C'est parce qu'il était républicain l'impôt qu'il n'en voulait pas. Et c'est pour ça qu'ils ont voté pour le prince président. Le prince président, c'est Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, élu triomphalement en décembre 1848, grâce aux paysans qui représentaient à cette époque 60% de la population française. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de France, la paysannerie intervenait comme une force politique déterminante. Pour le monde rural, Louis-Napoléon ramenait l'ordre, l'autorité, la paix. On l'a maintenant, le prince président. Vous croyez que c'est mieux ? Ah bah oui, voilà, il est là, mais bon, est-ce que c'est mieux ? Ça, c'est une autre question, un extrait de Jacques, un jeune paysan au 19e siècle, diffusé sur la chaîne FR3, c'était en 1976. Oui, au Second Empire, nous avons ici un régime stable, établi, les élites confortées. Comment évolue la question de l'impôt, Nicolas de Lalande, sachant que cette question des inégalités est prégnante. Il y a une réflexion politique, une réflexion des économistes, de ceux qu'on n'appelle pas encore les sociologues, qui étudient la société et qui voient ces inégalités. Y a-t-il un changement de regard sur l'impôt à ce moment-là ? Alors je vais répondre à votre question, je voudrais quand même revenir sur l'extrait parce qu'il est intéressant dans le sens où il met en relation deux utopies du 19e siècle qu'on a pu oublier et qui font, je pense, restituer pour bien comprendre. La première utopie, c'est l'utopie républicaine qui remonte aux années 1790. Pour les républicains, il est possible, ils souhaitent envisager un monde dans lequel l'impôt serait une forme volontaire de versement de ressources au profit de la collectivité. C'est une idée qui avait déjà été mise en place dans les années 1790. Cette idée, on va essayer de limiter le plus possible la coercition et en appeler au bon vouloir, en fait, et à la conscience républicaine, à la vertu des citoyens. Et donc, en faisant appel à la vertu des citoyens, ceux-ci vont consentir et accepter des efforts plus soutenus. Alors ça avait déjà suscité des difficultés dans les années 1790. Lorsque les républicains arrivent au pouvoir en 1848, ils réactivent en fait cette utopie. Et ils pensent qu'effectivement avec la République, d'une certaine façon la question du consentement est plus voilà, non pas résolue mais en tout cas plus acceptable aux yeux de la population. On passe d'un corps électoral de 250 000 personnes à 9 millions. Donc il y a une révolution complète hein, sur le plan politique. Et quand en mars 1848 les républicains héritent de la situation financière délicate dans un contexte de révolution et puis d'un régime antérieur, la monarchie de Juillet qui a aussi accumulé des dettes. Il y a des échéances de très court terme qui se présentent, financières, et les républicains, tout à fait de bonne volonté, considèrent qu'il est possible d'augmenter massivement de 45 centimes par franc, presque une augmentation de 45%, les impôts directs de l'époque. Et ils en appellent à la vertu des citoyens, aux paysans. Soutenez-nous. Maintenant, c'est la République, l'impôt est légitime. Donc, il est légitime de payer plus parce qu'il faut sauver l'œuvre patriotique, sauver le régime. Et en fait, la grande désillusion des Républicains, c'est qu'ils constatent qu'effectivement, dès le mois d'avril, mai 1848, il y a des révoltes, des émeutes, parfois violentes, et qu'il y a une résistance très forte à cette mesure, que République ou pas République, l'effort qui est demandé est beaucoup trop lourd. La deuxième utopie, c'est celle que met en avant Louis-Napoléon Bonaparte, qui effectivement va tout d'un coup surgir sur la scène en 1848, présenté aux élections de décembre 1848, les premières élections présidentielles en France. Et Bonaparte, Louis-Napoléon Bonaparte, hein, qui est le neveu du fameux, l'autre. Lui, il actualise une autre utopie du XIXe siècle, c'est l'utopie de la société sans impôts. Alors ça peut nous paraître très étrange, mais c'est comme si un candidat se présentait, ou une candidate, je veux dire, on dirait, mais je vais supprimer tous les impôts. Alors évidemment, on dirait, oui, mais alors qu'est-ce qu'on y perd ? Au XIXe siècle, c'est une idée qu'on retrouve à différents moments, notamment dans les révolutions. Il y a souvent ces rumeurs que finalement, il serait possible, hein, notamment parce qu'en arrêtant de financer des oisifs, des aristocrates, ceux qui étaient à la solde de la monarchie de Juillet ou les républicains, eh bien, de diminuer drastiquement le montant des impôts. Et donc cette utopie de la société sans impôts, c'est quelque chose qui va durer hein, jusqu'aux années 1870-1880, mais qui permet bien aussi de comprendre les imaginaires politiques et sociaux du XIXe siècle. Donc ça c'était pour revenir aux deux utopies. C'est essentiel. Voilà. Après, effectivement, après 1850, le débat va en partie évoluer parce que l'expérience de la Seconde République est une expérience éphémère, avec beaucoup de tensions. Elle est finalement renversée par le Second Empire. Je dirais qu'à partir de 1850 et jusqu'au début du XXe siècle, il y a une critique qui va s'affûter vis-à-vis de l'inégalité de l'impôt et de la manière dont l'impôt, en fait, vient redoubler les inégalités économiques. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de forte transformation, industrialisation de la société, même si la réalité sociale reste quand même plus variée. Et il y a cette idée que, effectivement, et ça commence à être documenté assez bien, les ouvriers des villes, les populations les plus précaires, travailleuses, en fait, sont durement sollicités pour financer des mesures qui leur profitent peu. Donc, sous le Second Empire, on va dénoncer, par exemple, le faste hein, de la cour. Mais il y a aussi le poids de la guerre. Il faut pas négliger qu'à partir de 1850, il y a la guerre de Crimée en 1853, les guerres d'Italie, d'autres conflits. Le Second Empire va beaucoup s'endetter. Et en fait, à ce moment-là, l'impôt, de plus en plus, sert à quoi ? Il sert à rembourser la dette. Donc, c'est très difficile de légitimer un prélèvement lorsque vous dites que c'est essentiellement pour rembourser des dépenses engagées par le passé. Et donc, il y a cette idée-là, effectivement, qui est rompue. Hein. Et les Républicains vont essayer de prendre ce discours, de dénoncer cette sorte d'exubérance de l'État. D'ailleurs, c'est intéressant aussi sur le XIXe siècle. Il faut se rappeler que pendant longtemps, les Républicains sont les apôtres du gouvernement à bon marché, d'un gouvernement limité. La République, c'est pas le gouvernement qui taxe beaucoup. C'est le gouvernement qui va faire des économies et éviter que l'argent soit dilapidé pour la guerre, pour le militarisme ou pour l'entretien de nouvelles formes d'aristocratie qui seraient liées, par exemple, ici, au régime du Second Empire. Et en 1870, lors de la bataille, enfin de la guerre contre la Prusse, Napoléon III est fait prisonnier, le Second Empire s'effondre, voici la République. Nicolas Delalande, vous nous avez dit qu'en 1848, lors de la proclamation de la République, il y avait une réactivation de ce qui s'était passé sous la Révolution française. Est-ce qu'en 1870, on va avoir le même phénomène pour le consentement à l'impôt ? Payez vos impôts, c'est pour sauver la République. Oui, il y a un contexte qui est encore plus délicat parce qu'il y a pas seulement le changement de régime, il y a la guerre franco-prussienne, il y a l'occupation et en fait l'enjeu qui va être immédiat entre 1871 et 1873, là aussi c'est le paiement des indemnités qui doivent être versées à l'Allemagne qui a été unifiée en 1871. Et donc là il y a des exigences financières considérables. Il y a aussi une exigence de reconstruction. Le langage est très fort, le discours très très présent à cette époque-là de comment reconstruire une nation défaite. Il faut reconstruire ses casernes, reconstruire son institution militaire et puis aussi il faut renforcer l'effort d'éducation. Si vous vous rappelez, hein, c'est bien dans les années 1870-1880 qu'il va y avoir une très forte insistance sur l'édification d'écoles, une généralisation de l'instruction. Et tout ça, ça demande de l'argent. Donc là, les Républicains vont évidemment devoir légitimer l'impôt, le prélèvement de ressources à des fins de reconstruction de la nation et d'édification de la République. Ensuite, ils vont être très divisés sur les moyens pour le faire. Il y a une partie des Républicains qui veulent effectivement et qui considèrent que le but de la République, c'est de simplifier l'impôt et de le rendre beaucoup plus juste. Et donc là, l'instrument qui pour eux est vraiment au cœur de leur programme, c'est l'impôt sur le revenu. Et donc là, ils ont encore une forme d'utopie qui est de dire on pourrait supprimer toutes les taxes et établir un grand impôt citoyen qui serait l'impôt sur le revenu, transparent, progressif, qui serait donc gradué selon le niveau de revenu des individus et qui serait l'ossature d'un régime républicain fondé sur la vertu des citoyens. Mais de l'autre côté, il y a des républicains anciennement conservateurs ou ralliés à la République qui sont des réalistes pragmatiques, aussi plus attentifs à la défense des intérêts fonciers. Donc celui qui incarne le mieux ce mouvement à cette époque-là, c'est Adolphe Wethière, et qui finalement vont utiliser les mêmes recettes qu'auparavant. Et donc les mêmes recettes, c'est d'augmenter massivement les impôts déjà existants, les impôts sur la consommation, et donc d'accroître encore l'inégalité qui est et qui gît au cœur du système fiscal. Et donc la Troisième République, elle naît sur ce paradoxe, beaucoup d'aspirations et en même temps une politique fiscale qui, jusqu'au début du XXe siècle, en fait, a renforcé l'inégalité, alors même qu'elle prétendait dénoncer celle qui existait avant 1870. Et en 1883, sous la Troisième République, donc, Paul Leroy Beaulieu, économiste, publie un essai sur la répartition des richesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions. De tout ce qui précède, il résulte que ce que l'on appelle la question sociale se résout d'elle-même, autant du moins qu'elle est résoluble, peu à peu, par parcelles, avec la simple collaboration du temps, du capital, de l'instruction, de la liberté, de la philanthropie, de la charité aussi, que beaucoup d'économistes traitent trop sévèrement et que nous ne dédaignons pas. L'État a sans doute un rôle à jouer, des devoirs à remplir. Mais ce rôle n'est pas aussi prédominant qu'on veut bien le croire, ni ses devoirs aussi vastes. Les lois, en ce qui concerne une approximation vers une moindre inégalité des conditions, ont plutôt une puissance négative qu'une positive action. Olivier Martineau qui nous lisait dans le cours de l'histoire sur France Culture un extrait de ce texte de Paul Leroy Beaulieu, donc consacré à la recherche d'une tendance à une moindre inégalité des conditions. Oh, que c'est joliment dit. Et nous avons ici une conception très particulière, en fait, Nicolas Delalande, du rôle que peut avoir l'impôt, autrement dit l'État, sur la lutte contre les inégalités. Ouais, alors Paul Leroy Beaulieu, bon, c'est une figure qu'on a oubliée aujourd'hui, mais qui est vraiment un des économistes médiatiques, pourrait-on dire, les plus célèbres de la fin du XIXe siècle, qui est en même temps professeur au Collège de France. Il a succédé à son beau-père, c'était pratique à l'époque, Michel Chevalier, autre grand économiste libéral, assez en cours au moment sous le Second Empire notamment. Et donc Paul Leroy Beaulieu, en fait, du haut de sa chaire, et puis aussi dans les multiples journaux, dans les tracts, les ouvrages qu'il va rédiger, d'une façon, le grand défenseur des idées libérales dans un monde qui est en train de devenir de moins en moins libéral. Et donc, le fondement de l'idée libérale à cette époque-là, c'est d'un côté de ne plus remettre complètement en cause le principe du suffrage universel. C'est-à-dire que quand vous êtes libéral à la fin du XIXe siècle, dans un régime républicain comme la France, vous ne pouvez plus arriver en disant il faudrait restreindre les droits de vote, ça pose trop de problèmes. Donc, vous allez d'un côté vous résigner à ce qu'on ait démocratisé le suffrage, pas encore pour les femmes, hein, donc ça c'est une étape importante, mais pour les hommes. Mais de l'autre côté, vous allez dire oui, mais ce régime politique, justement, gardons l'égalité politique, mais n'allons pas plus loin. Parce que le marché, le système économique, le capitalisme s'occupe de tout. Et donc là, c'est une façon de défendre cette idée qui était très présente en 1830, en 1840, bien la libre initiative privée. Si chacun se met à travailler, si vous vous éduquez, allez à l'école, écoutez, donnez-vous un peu de mal, traversez la rue, et puis vous allez améliorer votre situation. Mais surtout, ne faisons pas intervenir l'État, parce que l'État, c'est celui qui, au contraire, va vous encourager à l'oisiveté, à la passivité, créer des effets pervers. Donc ça, c'est la grande idée qu'il va défendre dans les années 1890, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il va même essayer de la documenter. C'est pour ça que le livre qui était ici cité, c'est un livre dans lequel le professeur au Collège de France essaye de montrer, chiffre à l'appui, alors avec des chiffres très très imparfaits, il essaye de bricoler, qu'il y aurait une sorte de grande tendance, effectivement, que le capitalisme, en fait, sur la longue durée, serait un réducteur d'inégalités. On sait maintenant que c'était complètement faux, parce qu'au moment où il affirme cela, au moment où il écrit cela à longueur de colonne, et puis dans un traité, hein, qui est un livre de presque 500 pages dans mes souvenirs, on sait qu'en fait, le niveau des inégalités n'a jamais été aussi élevé. Parce qu'effectivement, vous avez d'un côté une forme de démocratisation politique, mais de l'autre, vous avez des nouvelles formes d'enrichissement rendues possibles par la première puis la seconde industrialisation, qui font que les niveaux de vie, en fait, ont été vraiment complètement dissociés. Et l'apogée des inégalités, en fait, sur les 3 ou 4 derniers siècles, se situe au début du XXe siècle. Donc c'est une idée qui est en réalité caduque à l'époque, mais qui est fortement défendue. notamment parce qu'elle permet de s'opposer à toutes celles et tous ceux qui veulent davantage de politique sociale, davantage de politique fiscale, et qui disent effectivement l'État a une légitimité à intervenir. Mais pour des gens comme Leroy Beaulieu et plein d'autres acteurs de l'époque, il faut imaginer que c'est leur pire cauchemar. Ces gens-là, pour eux, qui promeuvent l'intervention de l'État, même limitée, ce sont des collectivistes, ce sont des communistes, ce sont ceux qui vont détruire l'œuvre de la Révolution française, pardon, et l'œuvre libérale, en fait, qui, selon eux, a été la grande inspiration de 1789. Donc on rejoue aussi des débats de 1789 à cette occasion, et c'est ce qui explique aussi la dureté, l'âpreté des conflits sociaux, politiques et intellectuels jusqu'à la Première Guerre mondiale et bien sûr ensuite au cours du XXe siècle. Et pour qu'il y ait du débat, il faut des chiffres, vous l'avez évoqué, Nicolas Delalande. Nous parlons d'un personnage, Paul Leroy Beaulieu, un bonhomme tout seul qui réfléchit, mais non, en fait il y a l'ensemble de l'institution qui se met en place, il faut collecter des chiffres, et ça c'est intéressant aussi parce que pour que l'impôt puisse lutter contre l'inégalité, peut-être ou pas, il faut au moins mesurer l'inégalité. Comment cela se construit au 19e siècle, à cette fin du 19e siècle, sous la République, collecter les chiffres, savoir s'il y a de l'inégalité? C'est là où il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire que pour les Républicains, la création d'un impôt sur le revenu, d'un impôt fondé sur notamment le principe de la déclaration, ça n'existe pas avant 1914. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déclarer vos revenus. Souvent, c'est d'une taxation, ce qu'on appelle par les signes extérieurs de richesse, mais qui crée des statistiques qui sont assez pauvres et peu fiables. Donc, les Républicains considèrent que créer un impôt déclaratif, ça sera en même temps créer une source de documentation beaucoup plus fiable, beaucoup plus fine sur le niveau des inégalités. Sinon, il y a tant de choses qui échappent à la vue du fisc, comme on dit. Parce que, à la fin du XIXe siècle, oui, alors certes, c'est une société encore rurale qui se transforme, mais il y a des placements financiers un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que les grandes fortunes, ça a été très bien montré par les travaux récents d'histoire économique, les grandes fortunes françaises à cette époque-là investissent dans le monde colonial, dans l'Empire ottoman, en Russie. Et en fait, imaginez, l'administration est assez dépourvue. Enfin, déjà qu'aujourd'hui, c'est compliqué. L'administration a plus de moyens. Le capitalisme est plus mondialisé, certes. Mais à l'époque, le capitalisme est déjà un peu mondialisé. Et l'administration est complètement démunie parce qu'elle n'a pas tous ces outils, cette forme de contrôle, aussi de sanctions qui existent aujourd'hui. Et donc, dans le débat sur l'impôt, il y a toujours en même temps cette idée que finalement, on manque de chiffres. Et donc, ceux qui considèrent que tout va bien, écoutez, arrêtez, l'égalité, c'est la marche de l'histoire. Donc, surtout, ne faisons rien. Disent, oui, écoutez, ça ira mieux, mais c'est pas la peine de créer cet outil qui, pour eux, serait un outil dit inquisitorial. C'est-à-dire que si vous obligez des gens à déclarer leurs revenus, vous les obligez à déclarer des choses intimes, des choses privées. Et donc, c'est un des grands arguments qui est utilisé par ceux qui s'opposent à l'impôt sur le revenu. Ils vont dire, oui, bon, l'égalité, certes, c'est très bien, mais ce qui doit prévaloir, c'est la liberté. Et un État qui vous demande combien gagnes-tu, c'est un État qui, pour eux, n'est plus un État libéral. D'où le fait que cette question de la production des chiffres, de l'objectivation des inégalités, soit aussi centrale dans le débat sur l'impôt sur le revenu à cette époque-là. Le débat qui est vif, hein, cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle, Nicolas Delalande, tenez, regardez, voilà Clémenceau. Les élections de juin 1906 donnent une très nette victoire à la gauche. Avec 245 élus, les radicaux sont les grands vainqueurs. Le président Fallier rappelle au pouvoir Georges Clémenceau, le plus notable des radicaux. À 65 ans, Clémenceau n'est plus l'opposant systématique, le tombeur de ministère des débuts de la Troisième République. Son tempérament impulsif et caustique est toujours le même, mais il s'oriente maintenant vers l'action, non plus vers la négation et la critique. Clémenceau se propose de réaliser certaines réformes radicales, dont l'impôt sur le revenu. Joseph Caillaux, ministre des Finances, en tente l'application dans un petit village de l'Oise, mais le projet, voté par la Chambre des députés en 1909, après 18 mois de discussion, reste en panne au Sénat. Quelques progrès modestes sont réalisés dans la législation sociale. La loi sur le repos hebdomadaire est adoptée. Elle n'est guère appliquée, ce qui a provoqué en 1907 certains arrêts de travail. On essaie de créer un système de retraite ouvrière et paysanne. C'est trop peu pour détendre la situation sociale. Un documentaire sur Clémenceau diffusé sur l'ORTF en 1970. Nous nous trouvons au début du XXe siècle. Nous entendons ce mot impôt sur le revenu. Nicolas Delalande, les débats sont vifs. Nous avons bien compris tout ce que vous nous avez expliqué de ceux qui disent mais laissez faire le système et les inégalités vont disparaître. Comment se construit le débat inverse? Que dit-on? La grande nouveauté de la fin du 20e siècle, c'est bien sûr la montée en puissance des mouvements ouvriers, des mouvements socialistes, anarchistes aussi, de différentes tendances qui de plus en plus vont critiquer l'hypocrisie du système démocratique et parlementaire. C'est-à-dire qu'au moment même, en fait, on établit un régime démocratique et parlementaire. Il y a aussi beaucoup de désenchantement qui apparaît parce que le poids des inégalités est de plus en plus insupportable. Donc dans beaucoup de pays, hein, c'est pas une histoire strictement française. En fait, il y a des critiques de plus en plus vives qui portent sur le système capitaliste lui-même. Alors les plus énervés contre le capitalisme sont pas forcément ceux qui attendent beaucoup d'une réforme de l'impôt, parce que l'impôt c'est une institution capitaliste dans certains sens. C'est-à-dire l'impôt trace une frontière entre ce qui vous revient et ce qui revient à la collectivité. Mais ça maintient le principe de la propriété privée. Donc les plus extrêmes, en fait, considèrent qu'il faut d'abord mettre à bas le système et puis après on verra. Après, il y a l'option plus réformiste, mais qui va aussi réunir des gens plus radicaux, en considérant que quand même c'est un des outils les plus puissants pour tenter de commencer à corriger les inégalités. Et donc, dès les années 1890-1890, on voit, dans le contexte français, des républicains, des socialistes, des radicaux, effectivement, converger sur cette idée de la nécessité des réformes sociales et des réformes fiscales. Donc, la réforme de l'impôt, on pourrait dire, oui, bon, c'est quand même pas une idée fondamentale ou autre. Elle est cruciale pour le projet républicain. Elle l'est depuis la fin du 18e siècle et elle l'est pour quelqu'un comme Clémenceau, qui est notamment une figure de la mouvance radicale depuis les années 1870. Il y a quelques mesures très importantes qui sont affichées. Supprimer le Sénat. Bon, finalement, il sera maintenu parce que le Sénat, c'est vraiment le maintien d'un système oligarchique en République. Ça convient pas. Et puis, il y a les réformes sociales et les réformes fiscales. Et donc les radicaux, ce qu'on appelle le radicalisme, notamment, c'est une critique de la modération des républicains qui laissent de côté les questions économiques et sociales. Donc il y a ceux qui disent, dans la vraie République, c'est celle qui vise une égalité, qui est aussi une égalité des conditions, de l'accès aux ressources. Et donc il faut faire de cette question une question fondamentale. Je dirais que plus largement aussi, il y a une réflexion la théorie économique, dans différents champs aussi de réflexion en sociologie sur comment fonctionne une société, sur l'exigence de solidarité. Le solidarisme est un courant, une philosophie sociale qui se développe fortement à la fin du 20e siècle. Et là, l'idée, c'est de comprendre que les sociétés, les membres d'une société sont interdépendants. Et c'est en partie l'impact et l'effet produit par ce qu'on appelle la révolution pasteurienne. Lorsqu'on a pris conscience de l'importance des microbes, à la fin du 19e siècle, on a pris aussi conscience du fait qu'une société, c'était pas un agrégat d'atomes, d'individus, de monades isolées, mais qu'en fait, on avait, dès qu'on naissait au monde, une forme de dette vis-à-vis de la collectivité. Et en pensant autrement la société, en fait, on a aussi pensé autrement la légitimité de l'impôt, qui est pas seulement une mesure ex post prise par un État que vous n'aimez pas trop et qui vous dit, donnez-moi un peu d'argent parce que j'en ai besoin. Mais c'est l'idée de dire que quand on arrive au monde, quand on arrive dans une société, eh bien, on hérite des infrastructures, des investissements, de tous les efforts passés, intellectuels, matériels ou autres, et que l'impôt, c'est aussi un juste retour, en fait, de ce que la collectivité nous donne dès la naissance et ensuite tout au long de notre vie. Et donc ça va aussi accompagner des projets qui vont demander que l'impôt soit plus redistributif, un instrument de solidarité et fondé donc sur deux nouvelles techniques, notamment la déclaration et la progressivité. Et donc ça, c'est des débats qu'on a en France, mais on a les mêmes débats au même moment en Angleterre, aux États-Unis, et même dans des régimes entre guillemets moins démocratiques, puisque par exemple la Prusse adopte un impôt sur le revenu dès les années 1890. Donc il y a à la fois un objectif d'égalité, de justice sociale, et puis il y a aussi, dans un contexte de tension militaire, le constat qui est fait par beaucoup que ce type d'impôt moderne, ceux qu'on a aujourd'hui, en fait vont permettre de lever des ressources beaucoup plus abondantes, de les augmenter beaucoup plus vite que les anciennes taxes sur la consommation, qui elles finalement sont dépendent de la consommation, qui sont des actes de consommation auxquels se livrent les citoyens. La belle histoire de l'impôt, oui, mais l'impôt peut-il nous sauver des inégalités? France Culture. Eh oui, impôts. Impôts fiscaux. Impôts locaux. Impôts directs et impôts indirects. Impôts fonciers. Impôts rentiers. Impôts sur les grandes fortunes. Impôts même si t'as pas de thunes. Impôts sécheresse. Impôts richesse. Impôts nouveau. Impôts rétro. Impôts recto. Impôts verso. Impôts sur le revenu. Impôts sur les revenants. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Nous sommes Ursaf, Cancras et Carvalhas. Qui que tu sois. Quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui ratent tout. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Somaya Dabesh et Milena Elig, avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'impôt et aux inégalités. Le court siècle de l'égalité, oui, le 20e siècle serait le court siècle de l'égalité. C'est le titre de l'article, Nicolas Delalande, que vous donnez pour le numéro de l'histoire, Les riches et les pauvres, 1000 ans d'inégalité. Pourquoi ce 20e siècle est le siècle, le court siècle de l'égalité? Vous savez qu'en histoire, et j'imagine que c'est le cas dans cette émission, on apprécie de plus en plus adopter une focale du temps long, hein, une histoire longue. Et finalement, plus le temps passe, plus notre 20e siècle paraît une période assez brève en fait à l'échelle des temps historiques. Effectivement, le mouvement de réduction des inégalités économiques, sociales ou d'accès à l'éducation ou à la santé, qui a commencé au tournant du 19e et du siècle et du début du 20e siècle, à l'échelle des temps longs historiques, c'est une période assez brève en fait. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si finalement, voilà, entre les années de la Première Guerre mondiale et les années 70, on a vécu quelque chose qui était assez unique, inédit, qui serait derrière nous, ou s'il y a des possibilités justement, et quelles sont les conditions pour tenter de continuer à poursuivre ces objectifs égalitaires. Quand on parle de politique égalitaire, de siècle de l'égalité, ça veut bien sûr pas dire qu'on a construit des sociétés purement égalitaires, mais que un des objectifs des politiques publiques, largement partagé par ces démocraties et pas seulement, était quand même l'idée de corriger les excès du marché. Or, bien sûr, depuis les années 1970-1980, la tendance s'est en partie inversée. Il y a eu beaucoup plus de confiance placée dans le marché, en fait, comme lieu de création, d'innovation ou autre. On voit très bien que depuis une dizaine d'années, il y a énormément de critiques face à ce contexte idéologique, hein, depuis la crise de 2008, en pleine crise pandémique également. Et donc, il est bon de réfléchir en fait aux conditions de possibilité qui ont créé ces politiques égalitaires au cours du XXe siècle. Et il y a énormément de travaux en histoire, en sciences politiques, en sociologie qui s'y intéressent, qui s'y interrogent. Et effectivement, si on commence à... Et plus le temps passe, c'est-à-dire qu'on a vécu... pour des gens qui comme moi, sont nés, à la fin des années 70, début des années 1980, on avait le sentiment que c'était une période qui était encore une période dont on avait hérité, qui était une période très proche, et plus le temps passe, plus cette période est lointaine en réalité. Et donc ça fait à peu près 40 ans qu'on dit « Ah, il y a 20 ans, il y a 10 ans, on était capable de mener tel et tel type de politique d'égalité ». Non, c'est un temps qui paraît révolu, et donc l'idée de mettre à distance ce siècle, c'est aussi peut-être d'être un peu plus lucide en fait sur ce qu'il a rendu possible, et sur ce qui... en fait, nous attend pour le 21e siècle et puis pour des temps historiques futurs. Dans ce qu'il a rendu possible, il y a des éléments évidents pour le 20e siècle. Nous pensons aux guerres mondiales. Les guerres mondiales, étonnamment, ont une incidence sur l'histoire de l'impôt et des inégalités. Alors, étonnamment, non, parce qu'en fait, c'est assez simple. On peut dire qu'il y a deux effets principaux, si on schématise. Il y a un effet de destruction des patrimoines. Les guerres du 20e siècle ont été... les guerres les plus violentes à l'échelle des temps historiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'a très bien documenté Thomas Piketty et les gens avec lesquels il a travaillé. C'est-à-dire que beaucoup de patrimoines ont été fortement érodés, voire détruits par les guerres mondiales elles-mêmes. Il y a des guerres avec des destructions très fortes. Donc il y a un effet comme ça, entre guillemets, égalisateur, parce que, effectivement, dans les années 20 et 30, avec en plus la crise de 29, il y a pas mal de patrimoines qui sont effondrés aussi avec l'effet des crises financières. Le deuxième effet, c'est que les guerres sont des moments, entre guillemets, propices pour défendre des projets de redistribution et de construction d'une forme d'égalité devant les sacrifices. Et évidemment, tout n'est pas apparu en 14 ou en 1939. Il y avait beaucoup de débats. L'idée d'utiliser l'impôt, les politiques sociales pour produire davantage d'égalité, ça existait déjà au 19e siècle. Mais ce qui va accélérer les conditions de survenue de ces politiques, c'est vraiment les contextes de guerre, parce que il y a le discours de la mobilisation. L'idée que les inégalités en temps de guerre, évidemment, il va y avoir de très fortes inégalités, mais que grosso modo, elles sont insupportables, insoutenables, et que si vous voulez mobiliser sur la durée une population, il faut que vous soyez attentif, si vous êtes gouvernant ou autre, à limiter les abus les plus criants. Et donc là, l'impôt va être un instrument important. Les politiques sociales aussi, parce que, et ça c'est bien vu par toute une partie des collègues qui travaillent sur ces questions, on n'aurait pas vraiment autant de politiques sociales si on n'avait pas eu besoin de prendre en charge toutes les souffrances, les blessures, les handicaps liés aux situations de guerre. Et donc les guerres ont été des creusets finalement d'élaboration des politiques sociales. C'est pas le seul, bien sûr, mais ça les a accélérés et amplifiés au cours du premier XXe siècle. Avec aussi le combat politique et ouvrier qu'il faut prendre en compte dans ce XXe siècle pour comprendre comment on en arrive à faire évoluer ce lien étroit, étrange et complexe qui relie l'impôt aux inégalités. L'idée, c'est que la guerre, comme une pandémie, on pourrait dire, ça met à l'épreuve un pacte social. C'est pas forcément équivalent aujourd'hui, c'est ça d'ailleurs qui est surprenant, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que depuis un an, il y a une réflexion beaucoup plus forte sur la question des inégalités, de la contribution, des solidarités. Finalement, c'est un point qui est encore laissé à côté, mais c'est vrai qu'historiquement, en fait, ces épreuves collectives, elles créent de nouvelles inégalités, en même temps, elles créent de nouvelles formes de mobilisation. Et dans le cas des guerres mondiales, il y a énormément de violence, de destruction. Enfin, c'est des épisodes atroces, affreux, évidemment. Mais ça a aussi rendu possible, en fait, cette confrontation politique et conduit à des formes de compromis. Et donc, que vous preniez la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, l'issue, la sortie, souvent, a reposé sur des formes de compromis sociaux, notamment sur les États sociaux, ce qu'on va appeler les États-providence. C'est plutôt la Deuxième Guerre et puis l'après 1945, qui, dans beaucoup de pays, a été un moment où finalement on a accepté, et notamment les possédants, les élites, ont accepté des formes de régulation, des compromis sociaux, parce que sinon les sociétés étaient complètement disloquées, il y avait des forces de division qui étaient extrêmement fortes, et donc cette mise à l'épreuve, elle conduit, c'est aussi des moments démocratiques. En fait, en tout cas, il faut en faire des moments démocratiques, donc ça ne va pas de soi, mais c'est des lieux de mobilisation, et en débattre notamment de qui doit porter les coups de ces crises, c'est un enjeu fondamental, et c'est un enjeu qu'on devrait avoir aujourd'hui, bien sûr, avec la pandémie, et qu'on aura sans doute d'ici l'année prochaine. Nicolas Delalande, le XXe siècle, le court siècle de l'égalité, tel que vous l'appelez, nous paraît loin désormais, mais ce qui nous paraît présent, en réalité, c'est ce 19e siècle qui est très très loin, mais qui a aujourd'hui des débats qui font écho à ceux de la fin du 19e siècle. Tout à fait, je pense que le 19e siècle mérite d'être connu, réinvesti sur plein de sujets, sur les sujets d'égalité, mais aussi de rapport à la technique, à l'environnement, le rapport à notre passé colonial, en fait beaucoup de choses s'origine entre guillemets au 19e siècle, beaucoup de choses, donc c'est pas dire que c'est la matrice de notre modernité, mais je pense qu'il y a énormément à y trouver, parce que ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de penser que c'est un siècle ancien, donc c'est dépassé, c'est révolu, et ces gens-là étaient un peu arriérés par rapport à nous. Je pense que, en termes politiques, si vous réfléchissez aux conditions de la légitimation du processus démocratique, la question du tirage au sort, de comment on délibère, de comment on pense l'environnement, comment on pense les inégalités, bah, se replonger dans des débats du 19e siècle, hein, que ce soit au début ou à la fin, il y a une richesse des arguments qu'il faut retrouver. Eh bien écoutez, grâce à vous Nicolas Delalande, on peut retrouver cette richesse et puis on peut la retrouver en lisant vos ouvrages « Les batailles de l'impôt, consentement et résistance de 1789 à nos jours » ou encore « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières », deux ouvrages publiés au Seuil. Merci beaucoup Nicolas Delalande. Merci beaucoup. De nous avoir parlé impôt et surtout de manière aussi éclairée, ça fait du bien. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Dans le journal de l'histoire aujourd'hui, voici une histoire qui circule, oui, dans les objets d'art, des capsules temporelles, source de conflits. Alors que les galeries font le plein avec tous les amateurs d'art en mal de musée, c'est justement le marché de l'art qui fait parler de lui. Le Mexique réclame la restitution de 33 objets mis aux enchères le 9 février prochain par Christie's à Paris. Les pièces les plus remarquables de ce lot sont une sculpture de Cihuatéotl, la déesse de la fertilité, probablement produite dans la région de Veracruz, ainsi qu'un masque de pierre de Teotihuacan, dont le parcours jusqu'à la collection du fils d'Henri Matisse reste inconnu. Ces tentatives d'annulation de vente par le Mexique ne sont pas nouvelles. En 2019, déjà, ses services diplomatiques avaient réclamé l'annulation d'une vente organisée par la maison Millon, une expertise de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire nationale à l'appui. Juan Manuel Gómez Robledo, l'ambassadeur du Mexique, avait alors soutenu cette demande en accusant ces ventes d'alimenter le pillage et le trafic illégal pratiqué par la délinquance transnationale organisée. Peu chers à l'échelle du marché mondial, ces objets d'art précolombiens sont souvent acquis sans connaissance de leur valeur culturelle et historique, et surtout sans conscience de leur importance au sein du patrimoine mexicain. Alors qu'Emmanuel Macron a donné des directives sur l'inventaire des objets africains potentiellement litigieux détenus par les musées français, alors que l'Assemblée nationale a récemment été sollicitée pour voter des lois permettant les restitutions d'objets au Bénin et au Sénégal, le marché de l'art semble échapper à cette opération très politique de reconnaissance de la circulation frauduleuse de certains objets culturels. Pas tout à fait, puisqu'à partir de 2009, une affaire de même nature avait agité les relations franco-chinoises. Pékin demandait la restitution sans condition d'une tête de rat et d'une tête de lapin sculptée qui faisaient partie d'un ensemble de 12 figurines représentant les signes du zodiaque pillées par les armées anglaises et françaises en 1860 lors du sac du palais d'été. La mise en tension diplomatique avait d'ailleurs reçu l'appui résolu de Jackie Chan dans son film Chinese Zodiac, sorti en 2012, dans lequel il incarnait un justicier lancé sur les traces de ses statuettes afin d'en assurer le rapatriement en Chine. Oui, ils nous appartiennent. Le rat et le lapin de bronze avaient finalement retrouvé le chemin du Trésor national chinois en 2013. Leur propriétaire, François Pinault, en avait annulé la vente aux enchères programmées et avait offert les statuettes de la discorde à leur pays d'origine. Les mauvaises langues avaient alors émis l'hypothèse que ce cadeau était finalement bien utile, en assurant aussi une belle opération de communication pour le groupe de luxe sur le marché chinois. Une solution industrielle à un problème diplomatique, en attendant peut-être une législation plus contraignante sur les ventes d'art qui agresse à répétition les nations soucieuses de retrouver l'intégrité de leur patrimoine culturel. Merci beaucoup Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Toute la semaine dans le cours de l'histoire, tant qu'il y aura des riches, une histoire des inégalités, l'invention du bon et du mauvais pauvre, posséder la terre, terreau des inégalités. L'impôt peut-il nous sauver des inégalités? C'est l'émission d'aujourd'hui que vous pouvez écouter et podcaster comme toutes les autres émissions en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viodès, Odile Joessel, Valentine Lovrins, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Et demain, nous continuons notre réflexion sur l'histoire des inégalités avec cette terrible question: mais qui a peur du grand déclassement ?